France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Se délecter du physique de son confesseur, est-ce un péché ? Le roman de Béatrice Beck, Léon Morin, prêtre, publié chez Gallimard, avait obtenu le prix Goncourt en 1952. 9 années plus tard, Léon Morin avait pour visage Jean-Paul Melmondo, Barney, Emmanuel Riva. Léon Morin, entré au petit séminaire à l'âge de 12 ans, Léon Morin, devenu prêtre, qui allait de conversation en conversation parvenir à la conversion. Cinéma pour les ondes, le 3 octobre 1961, sur Paris Inter, donnait à entendre le film de Jean-Pierre Mocky. Roger Régent et Jacqueline Adler vous prient d'écouter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Léon Morin prêtre. Film de Jean-Pierre Melville d'après le roman de Béatrix Beck. Avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle de l'abbé Morin et Emmanuel Riva, Barney. Adaptation et dialogue de Jean-Pierre Melville, musique de Martial Solal. Commentaire radiophonique dit par Robert Martin. C'est la guerre, ou plutôt la guerre secrète, celle que les Français livrèrent à leurs occupants entre 1940 et 1944. Dans cette ville du Sud-Est, ce sont les troupes italiennes qui se sont implantées dans la région. Une jeune femme, Barney, s'est repliée là avec l'organisation de cette école par correspondance dans laquelle elle travaille. Son mari a été tué en 40. Elle a une petite fille, France. Ses opinions politiques avancées, ses sympathies la portent vers la résistance. Quelques-unes de ses amies, épouses de maquisards, ont décidé de faire baptiser leurs enfants le même jour. En dépit de ses sentiments antireligieux, Barney accepte que sa fille reçoive aussi le sacrement avec ses petites amies. Mais la cérémonie choque profondément cette jeune femme qui recèle en son âme la révolte et l'orgueil plutôt que la soumission et l'humilité. Vraiment, les croyants et leurs prêtres me paraissent comme un défi. Ils vivent de monnaie fiduciaire. Je veux leur dire ma pensée. Tu sais ce que je vais faire? Je jetais mon dévolu sur l'église Saint-Bernard. J'éliminais le curé qui devait être le plus vieux, le plus insensible aux plaisanteries salubres. Restaient les deux vicaires, Philippe de Manoir et Léon Morin. Je n'avais que leur nom pour essayer de deviner qui des deux serait le plus réceptif. Philippe devait être d'origine plutôt bourgeoise. Les parents de Léon, pour lui avoir donné un tel prénom, étaient probablement des paysans. En avant pour le Léon, Su ou Morin. J'avais peur, mais il n'était pas question de reculer. Morin était annoncé pour 5h30. La religion, c'est l'opium du peuple. Pas exactement. Ce sont les bourgeois qui l'ont dénaturé à leur profit. Mais vous les avez laissés faire. Maintenant, vous et eux, ça ne fait plus qu'un. L'Église a perdu la classe ouvrière, c'est vrai. Mais nous réagissons. La justice qui fait grève et quitte à les communier continuera la grève avec bien plus de résolution. La justice est en horreur au cœur du chrétien. Il n'y a pas que cela. Même si leur religion était restée pure, c'est pas ça qui en prouverait la vérité. Bien sûr. C'est bien d'être venu. Comment bien? Mais c'est ton ennemi que je suis ici. Je ne crois pas. Il y a longtemps que vous n'êtes plus confessé. Depuis ma première communion. Mais je ne suis pas en train de me confesser. Je sais que c'est pas drôle de reconnaître ses fautes devant son prochain. Drôle ou pas, la question ne se pose pas puisque je ne crois pas en Dieu. En êtes-vous sûr? Vous ne priez jamais? Seulement quand je ne peux pas m'en empêcher. Ça doit être un reste des habitudes d'enfance, une faiblesse. Vous êtes orgueilleuse, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous mentez quelquefois? Oui. Vous n'avez jamais volé? Si. Qu'est-ce que vous avez volé? De la nourriture. Ça vous arrive de vous mettre en colère? Oui. Vous ne commettez pas de faute contre la pureté? Je ne sais pas. Parce que vous savez vous priver et vous gêner pour les autres? Seulement pour ma fille. Vous faites bien votre devoir d'État? Plus ou moins. Est-ce que vous croyez que vous réalisez au maximum les capacités qui sont en vous? Non. Saint Paul a dit le monde serait meilleur si vous l'étiez. Vous venez de faire une bonne confession. Maintenant, il faut demander pardon. À qui? À X. On va rester ainsi jusqu'à la fin du monde. Vous manquez de cran. Pardon. Ah. Vous voulez bien que je vous donne une pénitence? Non. Si. Ça vous fera du bien, une pénitence. En sortant du confessionnal, vous irez vous agenouiller. Sur une des chaises de velours? Non, pas sur un prie-dieu, sur les dalles. Ça vous fera un peu mal aux genoux. Là, vous ferez une prière à votre idée. Puisque je ne suis pas croyante, cette pseudo-prière ne pourrait être que dérision. Nos prières sont toujours dérision. Il y a tellement de disproportion entre elles et celui auquel elles s'adressent. Mais quand la personne qui les dit les prend au sérieux, quand elle y croit. Qui vous dit que l'effort n'a pas autant de valeur que la foi? Je n'ai pas de remords. Je l'espère bien. C'est Judas qui avait des remords. C'est pour ça qu'il s'est pendu. Nous, c'est le repentir qui nous est demandé. Juste le contraire du remords. Je pourrais avoir de repentir que si j'avais choisi pour ligne de conduite la morale chrétienne. Même sans avoir choisi comme ligne de conduite la morale chrétienne, vous vivez dans un monde christianisé. Vous savez quand vous commettez des fautes contre la conscience collective. Est-ce que vous êtes toujours très contente de vous? Non. Mais ma manière d'agir est déterminée par l'hérédité, les organes, les circonstances. Vous êtes un robot, alors. Baissez la tête que je vous donne l'absolution. C'est facile de me faire marcher, n'est-ce pas? Moyennement. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Passio Domini Nostri Gesù Christi merita beate maria et sacatum Deo Sanctorum, quae quid beneficiis et maisius nobis sit tibi, permissio ad neo peccatorum meum et tuum gratia, et premium vitae aeternam. Amen. Moi, je t'absous de tes péchés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la passion de Jésus-Christ, notre Seigneur, les mérites de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints. Tout ce que tu as fait de bien et tout ce que tu as eu à souffrir t'aide pour la remise de tes péchés. L'accroissement de la grâce et de la conquête de la vie éternelle. Ainsi soit-il. Vous voulez que je vous prête des bouquins? Oh oui. La cure est juste en face le cinéma Le Moderne. Quand pouvez-vous venir? Seulement le soir. Mercredi 8h30, vous pouvez? Au troisième. Abbé Morin. N'oublierez pas? Allez maintenant. Je marchais allègrement, légère, précieuse, fragile. Mais je ne savais pas si ma gaieté était due à la liberté totale de ma pensée ou à l'absolution que j'avais reçue. Le mercredi soir, je traversais la ville, m'arrêtai devant les vitrines, pris des raccourcis, fit des détours, mais finis par atteindre, à l'heure dite, la ruelle qui séparait un des bas-côtés de l'église, de la cure. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous depuis l'autre jour? Étaient doux les pavés de Saint-Bernard? Oui. Non. D'ailleurs, plus jamais je n'entrerai dans une église autrement qu'en touriste. Sommes tous un peu touristes? Pas de la même manière. Il y en a que les dorures ne scandalisent pas. Ça me scandalise autant vous. Faudra mettre le feu à tout ce bazar. Vous dites ça et vous êtes prêtre? Oui. Vous pensiez que les prêtres aimaient les bons dieux, oui? Ils les laissent exister, en tout cas. Pas tout. On lutte, c'est dur, mais il y a déjà un tout petit progrès. Par exemple, chez nous, il n'y a plus de classe pour les enterrements. Alors, il y avait quelquefois trois prêtres pour conduire un type dans le trou. À quoi bon? L'enterrement, c'est pas un sacrement. C'est secondaire. On est là pour les vivants. On n'est pas des croque-morts. Si le résultat de vos luttes consiste uniquement à réduire le nombre des prêtres d'enterrement de 3 à 1. On a aussi supprimé les quêtes. À l'église, il est toujours question de sous. Ce qui fait que ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas y venir. Oui, mais cela, ça concerne la non-application de l'enseignement du Christ. La question numéro 1, c'est l'enseignement du Christ est-il valable? Quelle idée vous faites-vous du Christ? J'ai lu les évangiles, naturellement. Et puis Renan. C'est tout? Et puis... Ah oui, Histoire du Christ par Giovanni Papini. Pas bien fameux, Papini. Jésus le Christ par Karl Adam. Professeur à l'université de Tübingen. Pas moins. Emportez ce bouquin. Est-ce que vous pouvez revenir vendredi soir? Après-demain? Mais je n'aurai jamais fini d'ici là. Ça ne fait rien, il faut qu'on se voie de toute façon. Vous voulez me convertir? Avec vous et le Seigneur qui pourriez une chose pareille. Mais pourquoi me prêtez-vous des livres alors? N'en prêteriez pas, vous, si vous en aviez, que j'en ai envie? Je sais pas. Et pourquoi souhaitez-vous que j'en vienne? Vous n'éprouvez jamais le besoin d'échanger des idées avec vos semblables? Sauvage. C'est surtout lundi que j'étais sauvage. Je comprends pas ce qui m'a pris. Oubliez cela, je vous prie. Oh, mais non, c'était bien trop drôle. Au revoir, à vendredi. Il a le genre et les manières d'un militant. Citoyen, prêtre, camarade, abbé. Il doit se donner cet air-là pour me dépayser. Ce gros livre que lui a prêté l'abbé, Barny l'a lu en deux nuits. Dès le surlendemain, elle revient à la cure, rapporte l'ouvrage et se sent plus que jamais disponible pour la discussion. Vous l'avez déjà fini? Oui. Vous l'avez lu beaucoup trop vite. Il faut commencer, je n'ai pas pu m'arrêter. À votre point de vue catholique, si je continue à vivre en athée, je suis fichu. Mais non, mon petit, vous n'êtes pas fichu. Même si vous continuez à vivre en athée. Pourtant, hors de l'église, point de salut. C'est de l'église invisible qu'il s'agit. Ça dépasse de beaucoup l'église visible. Qu'est-ce que l'église invisible? C'est l'humanité de bonne volonté. Vous n'avez pas dit ce que vous pensiez du Karl Adam? C'est fort. C'est original. En le lisant, je croyais en Dieu, il me semble. Heureusement que ça vous a passé. Comment voulez-vous que je croie sans preuve? Il ne faut pas qu'il y ait de preuves au sens où vous l'entendez. La croyance en Dieu n'est pas une certitude cérébrale, scientifique, comme vous semblez le croire. La croyance en Dieu, c'est un accord de notre être tout entier. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez sans preuve. La foi, c'est pareil, une certitude morale. Mais d'abord, dans un tas de livres religieux, on énumère les soi-disant preuves de l'existence de Dieu. C'est mal dit. Ce sont des guides qui nous aident à parcourir un bout de chemin. Il y a toujours un précipice à franchir tout seul. S'il y avait des preuves, comme vous dites, tout le monde croirait. Plus besoin même de croire. On comprendrait, on saurait, on verrait. Ça ne serait déjà plus ici-bas, ça serait le ciel. Je vais faire votre portrait. C'est vous. Ah. Maintenant, je vais représenter Dieu. Le point veut englober le cercle. Et pourtant, c'est pas possible, vous voyez bien. C'est au point à être contenu dans le cercle. Faut pas renverser les rôles. Qu'est-ce que le cercle attend? C'est à vous de vous remuer. Si Dieu forçait notre adhésion, nous serions plus libres. La comparaison de tout à l'heure entre la croyance en Dieu et l'amour, elle ne convient pas du tout. On aime quelqu'un sans preuve, oui. Mais c'est grâce à des preuves qu'on sait que cette personne existe. En somme, vous vous demandez tout le temps si Dieu a l'existence ou s'il ne l'a pas. Dieu ne possède pas l'existence. Dieu est existence. Vous savez, Jéhovah dit « Je suis celui qui suis ». C'est un peu comme si on disait « X égale X ». je me demandais, après avoir fini Jésus le Christ, c'est si cette existence de Dieu est une existence personnelle. Les êtres humains vous paraissent doués d'une personnalité? Oui. D'où viendrait cette personnalité, sinon d'une personnalité supérieure? Pas forcément. Nous pouvons être un progrès sur des espèces précédentes, non différenciées. D'où viendrait cette force de progrès? Est-ce que le moins peut engendrer à lui tout seul de plus? Tout ça, c'est de la scolastique. Peut-être bien que le moins peut engendrer le plus. C'est comme si vous croyiez à la génération spontanée. Bien sûr. Vous, monsieur l'abbé, vous me présentez tous les arguments propres à me faire croire en Dieu. Mais un athée aurait trouvé les arguments opposés de la même force. Sûrement. Nous avons tort de bavarder comme ça. Les paroles, à quoi ça sert? Dieu, c'est avant tout une réalité expérimentale, individuelle, différente pour chacun de nous, et incommunicable. Incommunicable. C'est atroce. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas? Comment? Qu'est-ce que ça peut me faire? Il n'y a que ça qui compte. Je voulais me tuer en philo à cause de lui. Riche idée. Les conversations avec Morin, un ou plusieurs soirs par semaine, faisaient maintenant partie de ma vie. Je me sentais chez moi comme je n'avais jamais été nulle part, dans cette sorte de parloir à l'aspect de buanderie désaffectée, dont le parquet brillait comme un miroir. Ces conversations avec l'abbé Morin, qui deviennent chaque jour plus intenses, Barny les prolonge maintenant et les multiplie. Un jour, elle arrive chez le jeune prêtre, ayant oublié d'ôter ses lunettes noires. Voulez-vous enlever ça? Et pourquoi? Faut que je vois les yeux des gens, autrement ça va plus. Je déteste tous les écrans. Assis dans les églises, les piliers, quel poison! Ça empêche les fidèles de voir l'autel. Et puis cette obscurité, c'est très mauvais. Il faudrait d'immenses églises, ultra-modernes, inondées de soleil. Des gratte-ciels religieux. Non, mais une cathédrale tout en verre. Ça serait bien. Va à l'été. Les Allemands ayant décrété le couvre-feu à partir de 20h pour une période indéterminée, je ne pouvais plus aller voir Morin et j'avais des livres à lui rendre. Je me risquais à passer chez lui un samedi matin. Alors, où en sommes-nous? Grenouille de marécage. Je pense que ce qui me répugne dans le christianisme, c'est son caractère intéressé. On se force à faire ceci, on se prive de faire cela pour obtenir le ciel. Alors vous, quand vous en pensez, vous n'avez pas envie que ça pousse? C'est ça le ciel, c'est la levée du grain. Vous vous rappelez le CNV dont a parlé notre Seigneur? Votre Seigneur? Autant à vous qu'à moi. Non, si je refuse. Vous pouvez refuser que la terre tourne, je ne crois pas que ça changera grand-chose. Je suis plus malheureuse que jamais depuis que je viens parler avec vous de ce qui m'intéresse. Je ne peux m'empêcher de lire les livres que vous me prêtez. Et je vois bien qu'ils me font du mal. Ils me tuent. Je suis tourmentée, traquée, persécutée. Je sens que je ne devrais plus jamais venir chez vous. Et pourtant, je ne peux me passer d'y venir. Nous, on appelle ça le travail de la grâce. La nuit, je songeais. Il est certain que la croyance en Dieu fait de l'univers une échelle satisfaisante. Mais mes discussions avec Morin sont déconcertantes. Je me précipite comme un bélier. L'obstacle se dissipe au moment où je crois l'atteindre. Emporté par mon élan, je tombe et je ne sais plus où je suis. Je me perds, faute d'adversaire. Morin m'apparaît sans défaut. Une partie de mon grenier était encombrée de gravats. J'ai décidé de profiter du lundi de Pentecôte pour les enlever. C'est alors que se produisit la catastrophe. voudrais vous dire quelque chose. Voilà, je suis flambée. Vous êtes flambée? Oui. Je me convertis, je suis à vos ordres. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. Je vais devenir ou redevenir catholique. Pourquoi? Je suis acculée, je me rends. Vous êtes peut-être un peu trop fatiguée ou sous-alimentée ces temps-ci. Non, je ne suis pas fatiguée. Et on vient de toucher des pommes de terre. Pourquoi vous voulez vous convertir? Je ne veux pas. Je suis obligée. Qu'est-ce que c'est pour vous une conversion? Se mettre à suivre les préceptes du Christ. Quels préceptes? Être toujours pauvre. Se mettre à aimer les gens. Faire le maximum pour eux. Renoncer à soi-même et à ses intérêts. Prier Dieu. Recevoir les sacrements. Entrer dans l'église, enfin. Faudrait mieux que vous réfléchissiez avant de prendre une décision qui engage toute la vie. Ce n'est pas une décision. Je n'ai pas le choix. Il vous semble que vous n'avez pas le choix. Parce qu'en ce moment, vous êtes un peu nerveuse, exaltée. Oh non. J'étais d'un calme dans le grenier, toute seule. Et qu'est-ce qui est arrivé dans le grenier? Il n'est rien arrivé du tout. Au contraire, tout a été fini. Comment ça? Comme quand l'orcelin a sauté. Complètement braque, cette fille. Croyez bien que si je me convertis, c'est à mon corps défendant. Voilà une possédée. Il va falloir que je vous exorcise. Monsieur l'abbé, vous qui naturellement avez agi en tout point de manière à me christianiser, on dirait que maintenant vous voudriez réellement m'empêcher de suivre votre Seigneur. Pourquoi vous le suivriez? Parce que je ne suis pas sûre que ce qu'il a dit était faux. Vous allez vous empoisonner l'existence. Vous allez gâcher votre vie. Oui, c'est vrai. Vous vous dites cela pour m'éprouver, c'est évident. Et moi, je sais bien que rien ne m'est jamais arrivé, ni ne pouvait m'arriver de pire. Vous n'avez jamais pensé devenir protestante? Ils sont souvent merveilleux, ces gens-là. Pourquoi est-ce que vous vous moquez de moi à ce point-là, monsieur l'abbé? Je ne me moque pas, je dis ce qui est. Alors, pratiquement? Il faut que je me confesse pour pouvoir communier. Est-ce que je suis obligée d'aller à l'église de ma paroisse? Non, vous pouvez venir à Saint-Bernard. Est-ce que ce serait vous qui... Oui, il vaudrait mieux, puisqu'on se connaît. Je confesse les lundis, mercredis, vendredis et samedis, de 5h30 à 7h30 ou 8h. Ou alors le matin, avant les messes. Je viendrai demain soir. Si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ça ne fait rien. On aura tout vu. Voici donc, à l'heure convenue, Barney à genoux dans le confessionnal de l'abbé Morin. Bonjour, Barney. Oh non. Pourquoi êtes-vous si impressionné? Par vanité. Ça va passer, vous allez voir. C'est rien du tout. Répétez après moi. Seigneur, éclairez ma conscience, afin que je discerne tout ce qui vous a offensé, et que je l'expie par une humble confession, une vraie contrition et une sincère pénitence. Seigneur, éclairez ma conscience, afin que je discerne tout ce qui vous a offensé. Et que je l'expie par une humble confession. Il faut absolument que je répète ça. Oui, mais prenez votre temps, rien ne presse. Et que je l'expie... Par une humble confession. Par une humble confession, une sincère contrition, une vraie pénitence. Votre esprit plein de bonté me conduira dans le droit chemin. Votre esprit plein de bonté me conduira dans le droit chemin. Seigneur, vous me vivifierez dans votre équité. Seigneur, vous me vivifierez dans votre équité. Vos mains sont toujours pures, n'est-ce pas? Non. Non, mon père. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas avoir pour lui le plus grand respect. Vous ne trouvez pas ça merveilleux, un organisme humain? Si. Alors, il ne faut pas le galvauder. Vous ne serez plus vicieuse. Non. Est-ce que vous êtes gentille au bureau? Les autres me détestent parce que je me suis convertie. Et vous, vous les aimez? Je n'y arrive pas. Dieu, s'il existe, je l'adore parce qu'il est parfait et tout-puissant. Mais elle... Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas ses frères est un menteur. C'est dans Saint Jean. Il n'y a rien d'autre qui cloche? Si. Qu'est-ce que c'est ? La première fois que je suis venue ici, je me mentais à moi-même en me disant que c'était par dérision. Je crois que j'ai joué une sorte de comédie depuis des mois, que je me suis cachée, que j'ai pris la fuite. Ça s'appelle la résistance à la grâce. C'est tout ? Oui. Pour ces fonds, je vous dirai simplement une fois, mon Dieu, faites que j'aime mon prochain comme moi-même par amour pour vous. La légèreté de cette pénitence m'accable. Parmi les collègues de la jeune femme à l'école par correspondance où elle travaille, l'une des secrétaires, Arlette, désire faire la connaissance de l'abbé Morin. Non qu'elle soit en proie à des inquiétudes métaphysiques, ces choses ne la préoccupent pas le moins du monde, mais par simple désir d'éprouver sa force de séduction, qui n'est pas négligeable, sur la personne d'un prêtre. Barney amène donc Arlette un soir chez Léon Morin. Bonjour, entrez. Il est beau. Maintenant qu'Arlette l'avait dit, je m'aperçus effectivement que Morin était beau. Je me demandais, avec une ombre d'inquiétude, s'il n'y avait pas péché à me délecter ainsi du physique de mon confesseur. Mais non, me rassurai-je, quel mal pourrait-il y avoir là? On nous laisse comprendre dans l'Évangile que Jésus était beau. La beauté est un don de Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir fait de votre serviteur Morin une œuvre accomplie. Je ne laisserai pas pousser au hasard comme mes frères et moi. Jusqu'à présent, j'ai pratiqué... C'est par transmission de pensée qu'Arlette se montre réfléchie. La puissance d'accueil de Morin est telle qu'il rend un peu semblable à lui ceux qui l'approchent. J'aimerais pouvoir l'éclairer. Je ne communique pas souvent. Ça ne m'apporte aucune joie. Et vous croyez que ça m'en apporte à moi? Faut pas demander autre chose à la communion que ce qu'elle doit donner. J'ai des courses à faire. Je m'excuse, je vous laisse. Les longues conversations entre Barney et Léon Morin deviennent en quelque sorte des entretiens sur la religion. Toutes les questions qu'un athée peut poser sur l'existence de Dieu, la jeune femme les pose au prêtre. Quand elle arrive ce soir à la cure, l'abbé Morin joue sur ce vieux piano de location qu'il a toujours voulu garder, malgré son dénuement. Monsieur l'abbé, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment Jésus est mort abandonné de Dieu. Qu'est-ce que vous dites ? Bien oui, cette phrase effrayante qu'il a dite avant de mourir. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Pas du tout. Jésus étant juif, moi étant juif, et réciter le psaume 22 qui est une prière juive. Tenez. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi restes-tu loin sans écouter mon gémissement ? Et ça se termine par un hommage à Dieu. Car le règne appartient à Jéhovah, et il domine sur les nations. Jéhovah, Dieu des Juifs et des Chrétiens. Bien sûr. Que Jéhovah soit Dieu le Père, je dois y penser pour ne pas l'oublier, c'est absurde. Vous n'êtes pas la seule. C'était pas par hasard que Jésus a choisi le psaume 22. Il l'a choisi parce qu'il s'accorde spécialement à lui, puisqu'il y est dit aussi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils partagent entre eux mes vêtements et ils tirent ma robe au sort. N'oubliez pas que l'Ancien Testament, c'est le livre des Juifs, celui dont s'est nourri le Messie. Jéhovah avait choisi le Christ de chair et d'os pour sa vie terrestre. Par lui, il s'était donné une jeunesse. Il a choisi pour mourir la force de l'âge. Et c'est pour ça que, préservé par ce sang de jouvence, Dieu ne vieillira jamais. Je crois que l'agacement que je ressens envers les petites vieilles qui radotent leurs pattes nôtres, et pour tous les vieux qui en général arrêtent le progrès de l'Église, eh bien oui, je crois que cet agacement est spécifiquement chrétien. L'enfance de ce jeune prêtre, ses premières années d'homme, la formation de sa vocation, autant de questions qui passionnent Barney. Quel âge aviez-vous quand vous êtes entré au séminaire ? À 12 ans, je suis rentré au petit séminaire. Comment se fait-il que vous ayez voulu vous faire prêtre, puisque vous étiez un garçon plutôt mauvais ? Qu'est-ce que ça peut faire, ça ? Quand on veut devenir prêtre, c'est avec l'idée de sauver des âmes, c'est tout. C'est une idée qui peut être envoyée même à un sale gosse. Votre mère, elle était plus dure que les autres mères. Mais vous, vous étiez un enfant comme les autres. Non, c'était plutôt parmi les pires. Une fois, j'ai cassé la patte d'une vache en voulant lui faire sauter une barrière. Inutile de vous dire que le propriétaire m'a tanné le cuir d'une façon soignée. Ça ne vous a pas guéri. Maintenant encore, vous essayez de faire de la voltige, ruminant. Je suis là pour ça. Vous allez encore lui casser la patte. Ça ne fait rien du moment qu'elle saute. Cependant, la guerre s'est intensifiée dans le pays. Barney procure de fausses cartes d'alimentation aux Juifs, aide tous ceux que traquent la milice et l'armée d'occupation. Elle a repris sa petite fille aussi, qui était en pension à la campagne. Cela l'empêche d'aller à ses rendez-vous chez Léon Morin. Alors celui-ci vient parfois la voir chez elle, où la petite France l'accueille toujours avec des transports de joie. Si vous étiez un pasteur protestant, vous m'épouseriez ? Bien sûr. Non, c'est sérieusement que je demande ça. J'ai besoin de savoir. Si vous n'étiez pas prêtre, me prendriez-vous pour femme ? Une main, d'un seul geste, m'avait tout donné et retiré. Je ne le vis plus pendant longtemps. Un dimanche, alors que je me promenais en suivant la crête des coteaux, je dominais la ville aux toits rouges et roses. Je ne pouvais détacher mes regards d'un clocher. Je pensais qu'il était là-bas en ce moment, et que, puisque c'était l'heure des vêpres, il chantait. Des jours passent encore. Le prêtre n'a plus reparu depuis cette soirée, où la conversation entre la jeune femme et lui a pris un tour qui lui a déplu. Mais cette absence accroît encore le trouble de Barney. Un peu de temps ayant passé, Léon Morin pense que la jeune femme est sans doute apaisée. Il revient la voir, voulant avoir tout oublié. Mais l'exaltation de Barney est plus grande que jamais. Tenez, regardez. Dieu. Exauce mon désir une seule fois. Une unique fois. Et ensuite béni soit l'éternel tourment. Viens. Ce n'est plus mademoiselle Sabine à présent. À la bonne heure, ça va déjà mieux. Gardez les gens quand on vous parle. Si seulement vous appeliez Dieu comme vous appelez le mal, ça, c'est prier. Vous n'allez plus venir. Bien sûr que si, pourquoi pas. Ne plus discuter de l'hypostase avec vous, ça me manquerait. Il va falloir que vous alliez vous confesser. Non. Dire ça à quelqu'un? Si c'est à moi que vous le dites, comme je le sais déjà, alors... Pour moi aussi, c'est une corvée de me confesser. Et j'y vais quand même. Et souvent encore. Vous y allez quand même et souvent encore. Vous ne faites jamais de péché. Alors il faut croire que vous vous accusez de ceux des autres. Et des coups de trique qui se perdent. Vous viendrez ce soir. N'est-ce pas? Je vous attendrai à partir de 5h30, aussi tard qu'il faudra. Ma fille va rentrer de l'école. Vous viendrez avec elle. Je la confesserai aussi. Au revoir. À tout à l'heure. Vous n'en avez pas besoin. Je vous écoute. J'ai manqué. J'ai dit. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce que j'ai fait. Vous faites la branche morte en ce moment. Vous savez ce qu'on leur fait aux branches mortes? Oui. Qu'est-ce qu'on leur fait? On les coupe. Et quand on les a coupés, qu'est-ce qu'on en fait? On les brûle. Oui. Je vous écoute. J'ai essayé d'induire au mal. Ne laissez pas vos phrases en suspens si ça vous fait rien. J'ai voulu entraîner un prêtre à enfreindre ses vœux. J'ai voulu enfreindre moi-même le 9e commandement. Voilà. Demain, vous verrez Daniel. Sachez que votre visite lui fasse un peu de bien. Vous ferez du bien mutuellement. Comme pénitence, vous lirez chaque soir à genoux une page du livre dont vous avez si bien écouté le commentaire. Et maintenant, allez tout à fait en paix. J'allais presque en paix. Les occupants sont maintenant partis. La guerre se termine. Dans la grande réorganisation générale qui s'ensuit, Léon Morin est envoyé dans une petite paroisse de campagne. Est-il sûr qu'il n'ait pas lui-même sollicité ce déplacement? Quelques jours avant son départ, il vient rendre visite à Barney et à sa fille. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai peur pour tes pommes. Je crois qu'elles vont avoir des ennuis. Ça fait rien du moment que je sais ce que vous dites. Qu'est-ce que tu veux donc tant savoir? Qu'est-ce que bon Dieu faisait avant de faire le monde? Il faisait rien? Non. Il s'embêtait alors? Peut-être, je sais pas. Il a fait le monde par amour. Pourquoi vous ne lui demandez pas ce qu'il faisait avant? Ces choses-là, on ne peut pas les savoir. Même pas vous? Pas plus qu'un autre. On ne le saura jamais? Quand on sera mort, on le saura. Est-ce que je voudrais être morte? En attendant d'être morte, tu vas te renfiler au lit. Et si tu te relèves encore, ou si tu fais une autre bêtise, c'est moi qui viendrai te frotter les oreilles. Tu vas voir ça. Je voudrais une prière qui n'existe pas. Prière qui n'existe pas? Oui, une prière qu'on ne connaît pas. On ne peut pas toujours dire à Dieu la même chose. C'est pas gentil. On va faire ça pour toi. C'est pas exactement une prière pour une petite fille. Je vais te la dire quand même. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force. Car vous êtes seul à donner ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Admirable l'ironie de Dieu. J'ai passionnément désiré que cet homme vînt dans cette chambre. L'y voici. Non par jure et complice comme je le voulais, mais beau de piété, endormant mon enfant, son noaille, au son d'un poème. Dieu, merci de l'aimer mieux que je ne l'aime, de faire plus que je ne vous ai demandé. Merci pour votre sollicitude. C'est aujourd'hui que Léon Morin quitte la ville. Son modeste appartement est déjà vidé des quelques meubles qu'il contenait. C'est entre ses murs nus, dans cet ancien bureau où elle est entrée tant de fois, et encombré aujourd'hui de quelques caisses de livres, que Barney vient voir pour la dernière fois en ce monde Monsieur Léon Morin, prêtre. Je peux vous aider à finir vos emballages? Merci, ça y est. Tout est là. Il ne reste plus que le sac à dos à boucler. Demain matin. Le piano est déjà là-bas? Non, il était loué, on est venu le reprendre. Je n'aurais plus le temps de jouer d'ailleurs. Non. Je ferai des trous dans un roseau. Je vais m'en aller. Merci pour tout. Mais pas de questions à me poser pour le dernier soir? J'en aurai pour toute la vie, alors il vaut mieux que je me taise. Essuyez la chaise avec ce chiffon. Asseyez-vous. Et maintenant, quelle est la chanson du jour? Oh, c'est rien, un point de détail. Mais je ne comprends pas, puisque vous disiez que les jansénistes étaient des hérétiques. Et le miracle de la Sainte Épine, alors? Pourquoi est-ce que le bon Dieu ne ferait pas de miracle pour les hérétiques? Vous croyez qu'il les aime moins que les autres?